Minuit, minuit chaque vie, chat perlé et beauté de velours. Autour de vos robes à grand décolleté, une lascive écharpe flotte hors du film, attrapée au fuseau des amours, le fil de soie. Collier de jade. Chat aux yeux d'or pailleté, à pas doux sur la dentelle, entre les verres encore humides, ceinture dénouée, bibelot sexuel, au relief des parades. Chat ivre, se frotte au corps chaud, endormi, dans le rêve de la belle maîtresse, quand la lune se balance vers la promesse d'autres sphères, et le temps se multiplie et s'étire. Chat lascif au balafre de soie, sans égard pour les entrelacs brodés, les jetés de tulle respirent un soupçon de chair enclos au secret élixir. Mi-clos aux aguets des ombres funambules sur le fil de l'âme envoûtée, les longs poils se hérissent quand crisse le violon du désir et s'affole au plafond le pendule. Griffe et s'acharne sur les insectes et les cordes de la guitare désaccordées au son de jazz tourmenté, évident le long fil de soie. Un brin de paix, un brin de beauté où tourne la roue des sorts.